is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Raz-de-marée en Europe, numéro 1 de club aux Pays-Bas, en Suisse ou encore en Angleterre. Calvin Harris, Rihanna domine une fois de plus l'Eurodance 25 avec le This Is What You Came For. Mike Posner en numéro 2 avec la Tsukupilin Ibiza, Galantis numéro 3, 4ème Kungs et 5ème Jonas Blue avec Fast Carbon Révision. Tout le monde, bon courage pour tous ceux qui ont les examens. Et tiens, j'en profite pour faire un coucou à Ludo qui est l'animateur de Fun Tarb. Il y a une grosse soirée à Tarb mercredi soir, ça s'appelle le Bal Electro, mercredi soir à 21h au Parc des Expos avec Maeva Carter, la DJ de Party Fun. Il y aura aussi Michael Canitro et Nils Van Zandt. Oui, Doc. Tu vois comment je bouscule. Ah bah c'est-à-dire que Doc, il s'est imposé dans ton intervention. Hein, bah oui, parce que 20h quoi. T'as oublié de parler d'un truc. Ouais. Mais ça va, on n'est pas aux pièces non plus, Doc. Non mais je plaisante, je titille juste pour rien. Ça va, Miko? Ça va bien. Moi je rentre à 20h, je rentre pas à 20h02, bref. Bravo. Et t'as oublié de parler d'un truc hyper important ce soir. Bah oui, Suisse-France évidemment. France-Suisse. Bordel, c'est chez nous. C'est pas Suisse-France sur le tirage au sort? J'en sais rien, mais moi je dis France-Suisse. En tout cas, le hashtag c'est Frasuille. Hein. Donc merci beaucoup. Les banques ont payé le match, non? Non, je sais pas si on a acheté, mais en tout cas, on est déjà qualifié. Donc on s'en fout. Ah. Salut Miko! Bonne émission, à tout à l'heure. Ciao, salut. Fun Radio. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. Love in Fun. Avec Doc et Karel. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. On démarre Love in Fun sur Fun Radio et on démarre franchement. Ouais. Je vais vous dire un truc. On démarre avec un drame. Ouais. Ah bah parce que sans déconner quoi. Tu dis toujours que je suis une vieille pince et tout machin. Je t'ai payé un café, tu t'en es même pas rendu compte. Ah non, je me suis payé. Non, c'est moi. Ah mais oui, mais c'est vrai en plus. Ah mais punaise, mais c'est. Et voilà. Et je suis obligé de le dire pour qu'on le remarque. Putain, ça m'énerve. Il est tellement pingre, j'aurais dû m'en. T'as vu. Et ben voilà, putain, sans déconner. Ah punaise, c'est vrai, j'ai pas vu, j'avais un café, j'ai pas percuté. L'autre, il a mis sa petite sucrète et tout. Genre, on m'a servi et tout machin. Ah, non, mais je suis comme ça, je suis un peu à l'ouest parfois. Bah, c'est pas grave, Doc. Je sais qu'en ce moment, t'es. Ouais, carrément. Oh, mais tiens, il est à fond, le Doc. Ah ouais, là, il est à don. On déconne. Il nous racontait son week-end, c'est-à-dire qu'on peut même pas vous raconter, quoi. Non, on peut pas vous raconter. C'est trop chaud, le truc. Mais c'est ça. Ouais. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. On va passer toute la soirée ensemble jusqu'à 22h. Bien sûr, il y a le match, hein. On le sait, on a la télé qui est branchée. On vous dira bien sûr de tout ce qui va se passer dans le match. Bon, ça commence à 21h. Contre la Suisse. On peut perdre, on s'en fout. Enfin, ce que ce serait pas mal, c'est quand même match nul, tu vois. Au moins, on est premier du groupe, quoi. Ah ouais. Et une petite victoire, ce serait quand même mieux. Ce soir, sur Fun Radio, il va se passer plein de choses, comme tous les soirs. Surtout vous, qui allez pouvoir intervenir dans l'émission au standard 01 42 48 5000 pour venir poser vos questions, pour venir demander des petits conseils. On est là pour vous tous les soirs. Hein. 01 42 48 5000. Cassim est à l'area. Ouais. Alice déjà présente là sur les réseaux sociaux et bien sûr notre duo de choc au standard. Et Ryan qui vont nous passer Ryan. Sab qui est avec nous. Bonsoir Sab. Salut Sab. Bonsoir Doc, bonsoir Karel, bonsoir Ali. Sab, t'as 30 ans. T'as 30 ans, tu nous appelles de Lyon. C'est ça. Ah mais elle nous a appelé déjà. Jeudi. Mais oui. Jeudi, oui. Qu'est-ce qui s'était passé dans l'émission? En fait, on parlait des ex. Hein, c'est ça. C'est ça. Tu nous avais appelé pour réagir. Voilà. Oui. En nous parlant justement de ton ex, avec qui t'étais retourné. Oui. Et avec qui ça se passait pas top. Et ben en fait, je voudrais qu'il change. C'est ça, il manquait d'attention pour toi. C'est changer en quoi exactement? Et ben en fait, je voudrais qu'il soit plus attentionné, genre des textos, genre des surprises. Amoureux quoi. Ouais, je voudrais qu'il change sur ça en fait, qu'il fasse plus attention. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? En fait, on est resté 9 mois ensemble et là on s'est remis à partir de janvier. Okay. Depuis janvier, on est ensemble. Ok. C'est vrai qu'au début, normalement, on donne tout. Donc, il faut qu'on l'appelle. C'est ça. Oh, je vous l'appelle. Il s'appelle Anthony. Tu vas commencer par lui parler et derrière, nous, on va lui en parler. D'accord ? Ouais. Ça marche. On va charger. C'est parti, on appelle Anthony. On y va. Il est plus jeune que toi. Oui. Oui. Il a 26 ans. Ça n'empêche pas l'histoire d'amour. Bah, bien sûr. J'ai envie de dire. Ok. Allô ? Oui, chérie, c'est moi, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, je t'ai appelé pour te dire qu'il faut que tu changes. Que je change ? Oui, que tu sois plus romantique, que tu dévoiles un peu plus et que tu sois plus intentionnel avec moi. Parce que je t'aime fort et je sais que je veux pas te perdre, donc je voudrais que tu me montres que tu m'aimes aussi. Eh ben, je vais essayer de faire attention à ce que tu viens de me dire et d'être un peu plus intentionné envers toi. Voilà. Ouais, parce que sinon, moi, je le fais à ta place, hein, Anthony. Oula là là, eh ben, bon courage. Allez, roulons. Non, te fâche pas. Non, elle est, tu sais où elle est, là, Sab ? Et toi, tu es aussi ? Oui. Ah, tu es où ? C'est moi. Non mais là, à qui tu parles ? En ce moment, là, tu parles avec qui ? Oui, je suis à la radio, oui. Ah, mais tu exactement sais. Tu le savais. Elle t'avait prévenu ou pas ? Ah, si j'étais au parfum pour l'appel de maintenant, là ? Ouais. Oui. Non, je savais pas. Elle m'avait dit qu'il y aurait la radio, mais elle m'a pas dit. Parce que, en fait, t'es en direct sur Fun Radio dans la Vin Fun. Je m'appelle Karel, il y a Doc qui est là, toute l'équipe. Et en fait, Sab nous a appelé dans l'émission jeudi soir pour réagir, en fait, sur un sujet où on parlait des ex. Elle nous disait, mon ex, je suis revenu avec et j'ai l'impression que s'il change pas, ça va s'arrêter. Il faut peut-être quand même qu'on lui demande, Anthony, il faut peut-être que tu donnes ton avis parce que ça peut être utile à Sab. Qu'est-ce que tu penses de cette demande et voilà. Parce que voilà, on peut ne pas être d'accord aussi. Elle est fondée, voilà ce que j'en pense. Ouais. Bon. Et pourquoi tu as ton corps défendant un peu froid ? Puisque c'est pardon ? Ce que tu dis. Pourquoi, selon Sab, tu serais un petit peu froid ? Dans l'expression de tes sentiments. Vous avez jusqu'à quelle heure ? Parce que... Non, c'est juste pour aider Sab. Est-ce que tu es un peu froid dans tes relations ou pas ? Pour que Sab comprenne, parce que je crois qu'elle n'a pas tout compris. Non, ça dépend. Mais après, ça dépend. Tout dépend de la relation. Okay. En tout cas, il a l'air vachement attaché et très amoureux c'est ça, lui aussi. Mais ça, pourquoi t'as besoin de preuves alors que visiblement, il a l'air vraiment très amoureux de toi ? Bah parce qu'il me montre pas en fait. Bon. Moi, il me montre pas du tout. Alors que moi, je suis plus, plus ouvert. Mais tu sais, dans un couple, on est différent parfois. Et Sab, faut que tu apprennes à lire entre les lignes. Ouais, mais moi, je me rends compte que je suis accro à cette personne. Être accro, je ne sais pas si c'est amoureux. Être amoureux, c'est aimer, être accro. Non, mais je suis vraiment amoureuse de cette personne-là. Cette personne, elle me donne. Donc, tu es amoureuse d'Anthony, parce que tu n'appelles pas personne, sinon. Bah oui. Hein. C'est dépersonnaliser la relation. C'est ça. Pardon, mon amour. Ah, voilà. Ouais, et moi, j'ai l'impression que ça va aller mieux, là, en tout cas. Ouais, ça va. Il est cool, Anthony. Et Anthony, on vous fait des gros bisous à tous les deux. Et j'espère qu'on aura servi, voilà, à commencer la discussion, en tout cas, pour que vous en sortiez super bien tous les deux. Et puis là, c'est bientôt l'été, vous allez partir en vacances ensemble, hein, Sab ? On va essayer, ouais. Vous allez où ? Je sais pas, bébé, on va où ? Oula, hein ? Loin. Ouais, allez, bébé, il veut partir. Mais ensemble, quand même. On vous fait des gros bisous, Sam et Anthony. Gros bisous à tous. Salut, gros bisous. À tous les deux. On a Martin. Martin qui est avec nous. Salut, Martin. Martin, 25 ans de Bordeaux. Bonsoir, Martin. Salut. Bonsoir, Karel. Bonsoir, le doc. Bienvenue, Martin. Salut à toi, Martin. Tu nous appelles pourquoi ? Je vous appelle parce que je suis très sensible aux fumées de cannabis et je voulais savoir s'il y avait un moyen de les éviter et s'il y avait un réel danger. Fumeur passif. Ah ouais, okay. La fumée des joints en fait. Ouais. Tu me diras qui c'est qui fume autour de toi, hein, parce qu'on veut savoir comment ça se fait que tu fumes ça. Et on va écouter Môme avec Aloha, 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone toute la soirée. C'est Fun Radio, c'est Love in Fun. So lover, which way have you moved? It's been a while. Since I've had these grooves, cosmic love gave you something gold. Suddenly, I feel you're free now. de amor. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in Fun. Avec Doc et Karel. 20h-22h. Sur Fun Radio. Et un son que j'adore, c'est Maten qu'on écoutera tout à l'heure avec Café Del Mar. France Suisse ce soir. On vous dira tout sur le score, bien sûr. Je sens un 2-0 pour la France. Ah, je me mouille ce soir. Hein. On verra tout à l'heure. En attendant, on est avec Martin, 25 ans de Bordeaux. Salut Martin. Salut Karel, salut Doc. Salut l'équipe. Bienvenue salut. Dans la Vin Fun. Martin, tu nous appelles pourquoi? Merci beaucoup. Je vous appelle parce que j'ai malheureusement des voisins qui fument du cannabis toute la nuit. Mm-hmm. Et que moi j'en souffre dans le sens où quand ils fument et que j'ignore ça la nuit, je me réveille avec une mal de crâne épouvantable et une envie de dormir à longueur de journée. Mais attends, c'est tes voisins, ça rentre pas... Ça dépend. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que... qu'est-ce qui vous sépare? Une cloison fermée, n'est-ce pas? Ouais, ça passe par où? Oui, ça passe par où? Par la porte, mais bon. Sous la porte? Oui, il y a peu de chance. Il faut être dans la même pièce. En fait, ça a été fait, hein, ça. L'inhalation passive de cannabis a donné des résultats positifs dans certains cas, probablement avec contact high. C'est pas... il faut vraiment... Contact quoi? Aïe. Ouais, contact... Ça veut dire quoi? Ça, ben, c'est comme ça que c'est dit. D'accord, le contact aïe. Ça veut dire que c'est des grosses quantités, quoi. Ah mais ok. C'est des gens qui fument des quantités importantes de... Donc ça se trouve, Martin, s'il a des migraines et tout, c'est vraiment parce que ses voisins fument du cannabis, quoi. Ça a quoi. Été testé, donc 3 heures après, il n'y avait rien dans le sang des passifs, mais ils étaient dans la même pièce. 6 heures après, ils étaient détectés positifs cannabis. Ok. Parce que ça pose aussi un problème, ça pose un problème pour ceux qui sont qui conduisent. Tu vas dans une soirée, tu fumes pas de cannabis, il y a plein de gens qui fument du cannabis, tu peux te faire arrêter. Alors, ce genre, mais non, mais ouais, tu putain, peux. Tu as fait le test salivaire, bien sûr, il est positif. Après, il y a un dosage sanguin plus précis, c'est-à-dire qu'on sait exactement combien t'as de cannabis dans le sang, de tétrahydrocannabinol. Voilà. Bon, mais c'est tout. Mais oui, le cannabis passif existe pour la cigarette. Il y a 2 000 morts, 3 000 morts par an peut-être. Et pareil pour la marijuana. Mais alors, marijuana ou cannabis. Du coup, Martin, peut-être le moment d'aller voir tes voisins, là, taper à la porte et puis leur dire t'arrêtes de fumer de tes joints, parce que moi je suis défoncé le soir. Donc du coup, ça pose un vrai problème, parce que je finis, après tu vas dire, et ça veut dire que voilà, pour les passifs, c'est très emmerdant. Bah oui, c'est ça, Martin, t'as jamais pensé à leur dire ? Ce qui se passe aussi, c'est que moi j'ai pris en dépannage un logement dans un jeune travailleur, et que la direction ne fait rien à ce niveau-là pour le moment. Non mais il faut leur parler, c'est tout, ou je sais pas, mettre des serviettes en dessous leur porte, tu vois, pour pas que ça rentre chez toi, quoi. Ouais, parce et donc, il y a pas moyen, ils se mettent dans la cuisine du quatrième, et gros fumoir à côté de ma chambre. Et bien sûr, ça peut passer, on a trouvé jusqu'à 13 à 20 nanogrammes par millilitre de tétrahydrocannabinol, dans des cas extrêmes jusqu'à 50, c'est quand même pas négligeable. Ah ouais, donc... C'est pas négligeable, ça, parce que tu te fais choper comme ça en sortant, alors que t'as pas fumé un pétard. Mais t'imagines. Va dire que t'as pas fumé, t'es positif, c'est mes voisins, le mec il va ils sont fous. Ah bah fous, ouais, non, c'est clair. Et c'est, voilà. Bon, Martin, sans aller jusqu'à balancer, parce que bon, c'est normalement, on n'a pas le droit. Mais bon. L'espace privé, tout le problème, la liberté dans l'espace privé, t'as pas le droit d'acheter. Une fois que t'es chez toi, t'es chez toi. Ouais, non plus. C'est pas. On va pas venir chez toi fouiller dans les coins. Faut que t'en parles, Martin, si vraiment tu te sens pas bien à cause de ça. Faut leur en parler. J'en ai parlé déjà, moi, au gestionnaire du foyer qui m'a dit que. Ah, en même temps, si c'est un petit. Rien, et après, envers eux. Ils s'en foutent complètement. Voilà. Ils sont tellement persuadés que ça fait rien, que ça rend inoffensif et que... C'est pas vrai. On peut pas dire ça. Il y a aucune conséquence. Dire ça, surtout s'ils fument beaucoup. Tu veux te toquer à la porte et on leur parle si tu veux. Je suis pas chez moi exactement. J'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. J'étais sur Si tu veux, on fait ça demain. Mais t'as pas le téléphone de ton voisin? Non, j'ai aucun téléphone. Écoute, c'est même pas qui fume exactement. Parce que moi, quand je dors, ça me réveille pas, donc. Écoute, si jamais tu veux qu'on les appelle demain ou tu te toques à la porte et on leur parlera pour leur expliquer que oui, ça peut avoir des répercussions, on le fera, Martin. Maintenant, tu es au courant. À toi d'essayer de gérer la situation, quoi. Ce serait con de déménager pour ça, quoi. Oui. D'accord, Martin. Oui, salut, Martin. Bon courage. Merci à vous. Tu raccroches pas. Dans un instant, on sera avec Anthony, 29 ans de Lens, pour le sexy chocolat. T'es là, Anthony? Ouais, je suis là. Ouais. Bon, tu vas nous donner des nouvelles du sexy chocolat. T'étais cocu. Hein, on va le dire comme ça. Exactement. Restez avec nous et on écoutera Jason. Oui, bien, Doc. À tout de suite dans la Vin Fun. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. On a lancé le hashtag c'est pas possible. Sur Twitter, il y a Ludo qui dit c'est pas possible, les ongles longs pour les hommes avec un petit peu de noir dessus. C'est un peu Sky Elliott. Au début, je croyais que c'était du nail art et puis après, je me suis approché, j'ai dit non, c'est sale. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repars avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. But ! Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Partez en croisière avec Fun Radio et Croisière de France du 17 au 24 septembre pour découvrir les plus beaux spots de Méditerranée et faire la fête. Attention, cette année, c'est Bruno et Elliot qui mettront l'ambiance avec les DJ Party Fun Mikosé et Maeva Carter. Et en bonus, on vous rajoute une escale clubbing à Ibiza. Alors, vous partez avec nous? Rendez-vous vite sur croisieredefrance.com pour découvrir vos vacances à partir de 649 euros par personne avec forfait boisson inclus. Avec Fun Radio et Croisière de France, liberté, beauté, bonheur. Sur Fun Radio, départ pour Ibiza. J-4. 20h, 22h. 0,42,48,5000. Avec Doc et Karel. Sur Fun Radio. I have a dream. I have a dream that someday house music lovers and deep house lovers and EDM lovers can someday come together and unite and dance all under one sun. I have a dream. I have a dream that the speakers will reach up into the clouds and we can dance and sing out loud from the four corners of the earth all at once and in unity. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream today. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream.

Ah, bah, tu l'aimes bien, oui, ça c'est la parole qui tue. Bon, attends, attends. Tu vas te faire manger tes affaires, tu vas voir. Oui, il va se fâcher, ça sert à rien là. Bon, maintenant on a crevé un abcès. Anthony, on va être clair. Tu le savais d'une certaine ouais, façon. Ouais, mais moi aussi, non mais attends, tu le savais. Bah, il nous avait parlé du non mais pourquoi elle, elle peut rentrer, elle prend ses affaires, elle s'en va. Mais bah, je pense qu'elle a compris. Oui. Anthony, quand on est comme ça, pourquoi tu poses pas la question? Mais je lui ai posé la question. Mais pourquoi, Maïs, tu réponds pas quand tu... alors que t'as un autre mec? Parce qu'il m'a posé la question il y a longtemps, et c'était au tout début que j'étais avec Céline, et du coup, enfin voilà, c'était pas du sûr. J'ai posé la question d'accord. hier. Non. Tu m'as pas posé la question directement. Non, enfin, donc, bref, tu voilà, reconnais. Je voulais pas te faire de la peine et tout ça non plus. Okay, et puis, bah, en fait, tu vois, je me dis que j'aurais peut-être dû te répondre directement. Et... je pense, oui. Il vaut mieux que de tricher. C'est mieux parce que ça va lui souffrir. Mais Élise, tu as triché pendant combien de temps, là? 6 mois? 9 à peu près. Ah oui. Bon, et est-ce en fait, dès que t'es rentré à la salle de sport. Aïe. Bah, il est quand même très sexy, quoi. Oh là là. Oh non. Waouh, c'était chaud hein, quand même. C'était super chaud. Ça avait mérité d'être cash, mais quand même, ouais. Quelle brutalité. C'était cette semaine, et quelques jours plus tard, Anthony est avec nous pour nous raconter ce qui s'est passé après l'appel. T'es là, Anthony? Ouais, je suis là. Bon, de réécouter ça, j'imagine que ça fait pas chaud au cœur. Ça fait pas chaud au cœur, mais ça fait sourire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais son cher Selim a dû entendre ce qui s'est passé. Ah oui. Et elle est partie, elle est retournée pour aller tourner voir Selim, qui lui a dit gentiment d'aller voir ailleurs parce que ce qu'il voulait, c'était seulement du cul. D'accord. Et voilà. Oh là là. Et du coup, elle est plus avec toi. Une amie. Ah, oui, d'accord. Non, elle a essayé de revenir vers moi et je lui ai dit clairement que elle pouvait aller se faire. Bien ailleurs. Sûr. Non, on va pas dire le mot parce qu'on l'a imaginé. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Oui, bon, mieux ah pas. Ouais, donc là, elle est bien dans la merde en fait. Exactement. C'est le cas de dire. Oui. Elle est toute seule maintenant. Oui, et toi, tu le vis comment? Parce que tu étais très amoureux d'elle, n'est-ce pas? Je l'ai vécu mal, je le vis mal, plus ou moins, mais en contrepartie derrière, j'ai une satisfaction qu'elle se retrouve le bec dans l'eau. Bien sûr, et en même temps, t'as peut-être échappé au pire. Parce que de toute exactement. Façon, si elle te fait ça à toi, Céline était le prochain sur la liste, probablement. Exactement. Elle aura fait le même coup. Une fois, on le fait deux fois. Ça peut arriver, oui, probablement. Et en même temps, c'était uniquement, on voit bien, c'était... C'est marrant parce que quand l'amour se définit comme ça, oui, il est vachement bien gaulé, il est comme ci, comme ça, on voit bien que, voilà, on n'est pas dans le sentimental, on n'est pas dans le romantique. Mmh, c'est tout à fait ça, Doc. C'est pour ça, fais attention, Doc, hein. Pourquoi? C'est vrai que Doc est bien gaulé aussi. Aucune crainte, je suis totalement confiant. Il a une musculature incroyable. T'es trapèze, en plus, j'ai tout. Oui, quel beau trapèze. Quel beau trapèze. Non, j'ai rien à craindre. Ah, les biceps du Doc aussi sont très très beaux. C'est ça. Sont saillants, tes bibis. Merci beaucoup à vous. Hein. Bah, pas de problème, Anthony, avec grand plaisir. On est là pour vous aider tous les soirs. Je suis, vous assurez. Prends soin de toi, Anthony, et profite de la vie, mon pote. Fais gaffe à la prochaine quand même. Sois un peu prudent au départ. Carrément. Je vous appellerai s'il y a besoin. Ouais. La prochaine, elle va dire bon, je vais faire du sport. Non, tu restes là. C'est sûr. Hein. Salut à toi, Anthony. Merci. Salut. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. On est à Marseille. On voyage un petit peu. Ouais. On est avec Enzo. Il a 14 ans. Salut, Enzo. Salut, Enzo. Salut, Karel. Salut, Enzo. Salut. T'appelles pourquoi, Enzo? Bah, parce que ce week-end, j'ai fait ma première fois et j'ai foiré. Hein. Bah, t'as foiré? Qu'est-ce qui s'est passé, Enzo? T'as foiré quoi? Bah, j'ai tout foiré. Hein. T'as tout foiré, hein. Tu vas nous raconter. On va savoir ça. Oui. Ah merde. On va le rassurer. On va le rassurer. Enzo a tout foiré, Doc. On va l'aider à relativiser. Pour sa première fois, dites-nous comment s'est passé votre première fois. Voici Jason et Sean Paul. You make my love go sur Fun Radio. Pass me a drink to the left, said her name was Delilah. And I'm like, you should come my way. I already surrender. Damn girl, that body's fire. You gon' remember. want. I'm thinking maybe you're the right kind of wrong. I'm saying baby you won't ever forget my love. Me want figure 100 and fit it. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it, you know me not quit it. Pondy the hell like Cassie and Diddy. Me now want them, I watch me like Sin City. Full time you run the thing, me thought legit. If you don't come, give me that, woulda be a pity. My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. Are you with me free every day, baby? Full time when you dip on me mind. So me want you forgive it to me, baby. So we can play. Stick to the thing now. I am your king, my girl. Just listen what me say. I just wanna be close to you. I just wanna. And do all the things you want me to. I just wanna be close to you. Girl, I just wanna. And show you the way I feel. You made my love go. Sean Paul sur Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Merci hein, d'être avec nous. Si vous venez de débarquer, bah, vous êtes tous les bienvenus. On est là tous les soirs, du dimanche au jeudi, pendant 2h avec vous pour faire de la libre antenne. Vous venez ici poser vos questions, demander des conseils. Il y a des appels à l'aide aussi. Hein, quand ça va pas vraiment, vous pensez qu'il n'y a plus de solution. Nous, on essaie de vous aider tous les soirs dans Love in Fun. C'est ça, Love in Fun. Oui. Hein, 01 42 48 5000. C'est le numéro de téléphone. Alors, juste avant d'accueillir Enzo, on a plein de messages à lire qui sont arrivés là sur les réseaux sociaux. C'est Alice qui nous dit tout. On a reçu un message de Ludo. Ma copine ne prend vraiment pas soin d'elle. Comment lui faire comprendre qu'il faut qu'elle soit plus féminine sans lui faire de la peine? Peut-être qu'elle a pas envie. Hein. C'est pourquoi il l'aime déjà. Peut-être pour des qualités. Non, je pense que c'est important. C'est des choses à dire. Il faut le dire de façon peut-être indirecte. Parler de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que dans la relation, le respect de l'autre est essentiel. Dans le respect de l'autre, il y a façon de se tenir, façon de s'habiller. Voilà, si tu es complètement négligé, que tu as du doigt dans le nez et que tu rotes et que tu pètes toute la journée, forcément, pour l'autre, c'est pas génial si c'est sous son nez dans le salon, tu vois. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que finalement, il n'y a pas de relation sans respect de l'autre. Allez, c'est essentiel. Tu viens de nous décrire un porc, Doc. Personne ne pète. Là, j'ai l'impression que dans ce qui est décrit, c'est un peu ça. Ouais. Et un autre message de Quentin, qui a 13 ans. À quel âge on peut commencer la muscu? On peut toujours commencer la musculation. Le problème, c'est de ne pas exagérer. Souvent, on est un peu excessif et quand on est jeune, on voudrait des super muscles parce qu'on n'a pas confiance, son corps se développe et qui fait qu'on est un peu mince et voilà, on grandit. Donc on voudrait des super biscottos. Mais non. Mais bon, voilà. Donc pas trop de musculation. Pourquoi? Parce que le muscle est en croissance, mais il faut beaucoup d'exercice, mais il faut savoir rester raisonnable. Connerie. J'ai commencé à 8 ans, regarde le résultat. T'aurais pas dû commencer plus tôt. Parce que vraiment. On a Enzo. Enzo qui est avec nous, 14 ans. J'aimerais qu'on applaudisse Enzo. Bravo Enzo. Tu es un homme. Enzo est un homme. Bon, il a tout foiré a priori. Ça va Enzo? Ça va et où? T'appelles pourquoi? Raconte. Bah parce que ce week-end, j'ai fait ma première fois, j'arrivais pas à rendre, c'était la grosse merde. Oh merde! Qu'est-ce que t'avais prévu de faire en plus? Bah le tout. Le tout, c'est quoi le tout? Anal, un peu partout. Ah, comment? Attends, anal? Attends, et tu veux que je te dise, Enzo, tu regardes trop de films porno. Ah, bah oui, là, t'as craqué. Mais arrête. Mais quand est-ce que vous allez comprendre? Je vais y avoir de cesse que Enzo, de répéter cela. Vous regardez bêtement des films porno et c'est pas ça l'amour. Tu sais pourquoi? Non, mais je suis très sévère, je vais être très sérieux. C'est quand même le film de sexe, c'est quand même de cul, bon, plus ça comme ça. l'objetisation de l'individu. C'est-à-dire que l'individu n'existe plus, c'est un objet de désir et de plaisir. On désire un objet, on se sert d'un objet. Donc l'individu disparaît, son identité disparaît. C'est pas ça, l'amour, c'est le partage, Enzo. Donc attends, la première des choses, c'est de faire ça doucement, de découvrir l'autre, de découvrir le plaisir progressivement, l'érotisme. Voilà, puis d'y aller progressivement. Là, t'as pris ton bouquin, t'as dû regarder un film X la veille. Ah oui. Bon, je vais commencer par ça. Bah, c'est ah pas oui. Et heureusement, ouais, t'as voilà, foiré. Mais t'es nu, Enzo, arrête. Je résume, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Enzo a raté sa première fois parce qu'il a pas réussi à faire son anal. Ah, hein, il a 14 ans. Il a 14 ans et il avait maté un film debout la veille pour voir comment faire. Non, mais Enzo. Ah, je lui dis vraiment sérieusement. Vous savez à quoi ça sert? Les films de cul, ça veut dire à quoi ça sert? Et pourquoi ça marche aussitôt? Parce que les gens, ils pensent que le plaisir, il faut que ce soit extrêmement fort. Et que donc, forcément, ça va générer, chez pas mal de personnes, une sensation de plaisir extrême et intense avec un orgasme. Mais le problème, c'est que ces orgasmes, c'est la répétition, c'est comme la cam, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est qu'il y a un accomplissement dans le geste sexuel et qu'effectivement, on a une relation avec quelqu'un. Et c'est ce qui en fait toute la beauté de l'acte sexuel, c'est-à-dire de la beauté dans le sens de l'épanouissement, du bien-être. Ça, c'est et bon. Non pas de la beauté pour niquer. Voilà. Et Enzo, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé avec elle. Ah, et d'ailleurs, dites-nous, hein, si vous avez déjà foiré votre première fois, comment ça s'est passé, ou il y a eu un petit bins, hein, 01 42 48 5000. Et elle, comment elle a réagi parce que tu bandais pas? Comment ça s'est passé? Ah, bah, elle était pas très contente, hein. Ouais. Mais moi, je peux te dire que heureusement que t'as foiré, parce que tu aurais fait la totale comme dans un film porno. Ça aurait été un carton. À mon avis, ton inconscient t'a sauvé, tu vois. Mais quelque chose comme ça. Non, tu vas recommencer tout. Tu vas recommencer tout. Et tu vas être tendre. On commence là bientôt. Ah, bah oui, mais. Tu vas doucement, pas d'anal. Et tu vas pas, tu fais pas un golf avec ta copine, tu vois. Pas dans tous les trous. Non. Okay. Hein, tu comprends, Enzo? Ta copine, oui, bah oui. Ce n'est pas que des trous. Hein, voilà. Oui, je sais. Sinon, tu vas jouer au golf, ça, c'est des trous. Et Enzo, arrête de souffler dans ton téléphone. Ouais. Si t'as soufflé comme ça sur ta table, c'est normal qu'elle ait pas bandé. Ouais. Je te le dis, hein, Enzo. Hein. Et il y a Quentin qui nous appelle pour réagir, 24 ans de Manosque. Salut, Quentin. Salut, Quentin. Salut, Quentin. Ça va bien. Et Quentin, est arrivé, toi aussi, une petite galère pendant que... Ben... Une grosse galère plutôt. C'était vraiment dans le dégueulasse, dans le trash, on va dire. Oh merde. Je m'attends au pire, alors, vas-y. Alors j'étais parti en vacances de ski avec mon tante, ma tante et mon oncle. Et, donc du coup j'ai découvert dans ce fameux club donc les joies de l'alcool et ensuite de la comment dire. Diarrhée, on pourrait dire ça comme ça. Mais non. T'as une bonne chasse, oui, on a compris. Non, ouais, mais, j'ai chopé la gastro sur les pistes de ski. Ah donc, oui, du c'est coup, cool, j'y avais une boîte de nuit dans ce club et donc elle m'a dit, c'était une fille que j'avais rencontrée comme ça. Moi j'avais 16-17 ans, elle en avait à peu près 20-21. Ouais. Et elle m'a dit, viens, on monte et tout. J'étais pas trop chaud et je suis monté. Et pendant l'acte, forcément, tout en remuant comme. comme un asticot, j'ai eu des nausées, des vomissements. T'as vomi sur elle? Non, pas sur elle. T'as pas lâché le paix foireux quand même? Non. Et en même temps que j'étais en train de bouger, j'avais la diarrhée qui commençait à sortir aussi. Oh alerte! Alerte! Et alors, qu'est-ce que t'as fait? C'est et horrible. Alors, ben, alors j'ai tout elle a poussé, dû sentir l'odeur. J'ai tout poussé, j'ai couru aux chiottes et j'ai tout lâché. Quoi. Oh voilà. Mon Dieu! Alors, elle t'a renvoyé dans tes foyers? Non, mais elle savait que j'étais malade et puis elle m'a un peu poussé parce que j'étais vraiment pas chaud. Mais une fois que tu as évacué ses fesses. Oh bah là, tu t'en vas. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? T'imagines l'odeur déjà? Ah bah là, ça c'est fini, ça a été très rapide. Heureusement, j'ai pas trop sali, donc c'est rhabillé et puis je suis descendu, quoi. Voilà. Ok. Bon, comme quoi, ça peut être encore pire qu'Enzo, hein, bien sûr, hein, Quentin. La déripette, hein, comme on dit chez moi en Bretagne, hein, qui t'arrive comme ça au dernier moment pendant une petite séance de sexe, c'est pas terrible. Hein. Quentin, merci. Salut. J'imagine qu'on a perdu quelques auditeurs là qui étaient peut-être en train de manger et qui reviennent là en ce moment. Merci. Oui, qui ont vomi dans la salle. C'est possible. T'as l'anecdote de dingue, quoi. Franchement, réagissez, hein, sur les réseaux sociaux. Il nous est tous arrivé des petites. Moi, je me suis déjà cassé la gueule, par exemple, et je me suis fait super mal. Vous savez que vous pouvez avoir des fractures de verge. L'enveloppe de la verge peut se fracturé et qu'il faut recoudre. Ah ben là, faut être une espèce d'hernie, c'est monstrueux. Faut être un gros sportif quand même pour se fracturer la verge. Non, faut encore imaginer que la sexualité, c'est une question de multiposition un peu comme ça, acrobatique. Mais Enzo, avant de penser à être acrobatique comme Didoc, il va falloir penser à faire simple, des caresses, être attentionné et penser à ta partenaire et ne pas se précipiter pour faire une pénétration tout de suite et surtout pas passer par derrière, mon poteau. Mais oui, attends, enfin, Enzo. Devant. Ok. Devant. Ouais. Allez, on va t'envoyer les capotes, ok? Salut. Ouais, merci. Salut Enzo. Salut. 01 42 48 5000 toute la soirée sur Fun Radio. Et Gabriel est avec nous, 16 ans, deux mots. Salut. Bonsoir Gabriel. Salut Gabriel. Salut Carrel, c'est l'équipe. Salut. Bienvenue. Salut. Gabriel dans Love in Fun, t'appelles pourquoi? En fait, moi, ma question c'était savoir, est-ce que c'est vraiment mieux de manger bio? De manger bio? Ah, ah non, c'est une bonne question. Ah, carrément, il y en a plein qui disent qu'ils bouffent de la merde, hein, qu'on nous fait bouffer de la merde, oui, dans les supermarchés. On va en parler. Voici Julianne Peretta et I Cry dans Love in Fun sur Fun Radio. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce. Cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. La belle voix de Julianne Peretta sur Fun Radio, I Cry. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Avec Gabriel, 16 ans, deux mots qui nous rejoint. T'es là, Gabriel? Ouais, salut Carès, salut l'équipe. Salut, salut. Bienvenue dans Love in Fun, Gabriel. Tu voulais poser une question? Ouais, en fait, moi, je voulais savoir si c'était vraiment mieux de manger bio. Pourquoi tu demandes ça d'abord? Parce que ma mère, ça fait depuis 6 mois qu'elle nous fait bouffer que du bio à la maison. Ouais. Et alors, est-ce que tu sais ce qu'est le bio? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est des produits ou des animaux qui ont été élevés ou cultivés sans produits chimiques. Exact, sans produits chimiques de synthèse. Comme par exemple les pesticides, les herbicides chimiques, les fertilisants artificiels ou les hormones de croissance. C'est plutôt pas mal ça, Doc. Ça, c'est très bien. Donc effectivement, je vais te dire le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve formelle, sauf pour les pesticides. Parce que notamment, il y a des malformations chez les enfants nés d'agriculteurs qui utilisent beaucoup de pesticides. Il y a des malformations plus importantes dans cette population des organes génitaux externes, chez les garçons notamment. Donc ça c'est un argument absolument sûr. Bon, mais ça, c'est la première chose. Pour le reste, moi, je crois que sur le plan d'alimentation, bien maintenant, il y a l'agriculture de proximité, qui est une bonne chose. Ça veut dire qu'on va dépenser moins d'énergie parce qu'on va se servir près de chez soi, et qui, par exemple, aux États-Unis, prend le pas sur le bio. Mais sinon, moi, ce que je remarque, et c'est quand même un ex par rapport à la grande consommation, moi, je vais dans les magasins bio et je consomme bio souvent, je le reconnais. Mais la façon d'acheter, t'achètes ce dont tu as besoin, et tu n'as pas genre, tu sais, 16 pots pour 12, 4 pots gratuits, une boîte, tout est, il y a une incitation à la surconsommation, et je vous verrai que dans les temps à venir, on vous expliquera que manger trop de calories est néfaste pour la santé, produit des radicaux libres, et finalement, et peut-être perturbe le fonctionnement cellulaire, ou même voir la génétique de notre propre capital génétique. Si on veut mieux manger, Doc, qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, d'abord, on mange de façon modérée, ouais. Et pas n'importe quoi. Les nuggets? Non, c'est plein de graisse. Ah, alors. Dans les nuggets, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des viscères. Ouais, non, mais bougez. Et dans le surimi, je vous explique même pas. Ah, moi, je vais vous dire, pourtant, mieux vaut manger. Tout sauf du crâne. Mieux vaut manger peu, mais de bonne qualité, que finalement beaucoup, mais de mauvaise qualité, parce que quand on vous vend des aliments en grande quantité, souvent, il y a une qualité inférieure. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est comme ça. Voilà, je crois que c'est plutôt dans la diététique. Comment bien manger? Ça, c'est important, et donc pas trop. En mangeant bio, en tout cas, on prend moins. Tu consommes moins parce que tu consommes mieux. C'est plus cher. Tu consommes mieux. Et c'est plus cher, hein, putain. C'est plus cher, donc t'achètes moins. Ah, ça c'est pas des tonnes. Tu comprends, Gabriel? T'aimes pas le bio, Gabriel? Ça va, mais bon, elle me dit tout le temps qu'on mange bio à chaque fois, à chaque repas. Elle dit, voici des pommes de terre bio avec du poisson bio. Ah ouais, je vois trop. Je vous ai concocté. Oui, voilà, mais en même temps, ça veut dire, le bio, ça a pris un sens, c'est faire attention à ce que l'on mange. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, tu peux continuer de l'encourager, c'est plutôt pas mal. Oui. Dans un instant, il y aura le chiffre d'Alice. Alors attention, qu'est-ce qui va se passer ce soir, Alice? On va parler des fous rires, et plus particulièrement les fous rires qu'on a souvent au mauvais moment. Tu sais, c'est vraiment pas le moment et tu te tapes un fou rire, quoi. Ça nous arrive souvent ici, dans l'équipe. 01 42 48 5000, on revient avec The Chainsmokers, c'est Don't Let Me Down, à tout de suite. Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Salut, c'est Marion et Anso. Cette semaine, gagnez 4 entrées pour le Parc Astérix. Et qu'est-ce que vous allez y faire au Parc Astérix? Eh ben, venez profiter des spectacles irrésistibles et des 39 attractions. Oui, mais surtout de Disco Bélix, la nouvelle attraction incontournable du Parc Astérix. Dis donc, Marion, tu crois qu'il est célibataire, Obélix? Oh, t'as la dalle. Tous les soirs, 22h minuit, here we go, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Avec Oasis et Orangina, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repars avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. But! Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sarenza.com. Chez Sarenza, c'est bientôt les soldes de chaussures. Vanessa, responsable des prix chez Sarenza, prépare de sérieuses réductions. Hé, on fait jusqu'à moins 60% sur les chaussures dès le premier jour des soldes. Non. Vanessa, t'es sérieuse là? Pendant ce temps-là, nos clients font leur repérage sur l'appli Sarenza. Nike, Clarks et Adidas sont déjà en attente de validation dans mon panier. Oh, wow. Merci. Et mercredi, s'il te plaît, réveille-moi à 7h59. Les soldes de Sarenza, ça ne plaisante pas. Rendez-vous mercredi à 8h, cliquante. Fun Radio présente l'Electro Beach Music Festival, le plus grand festival électro de France. Electro Beach. À cette occasion, Fun Radio vous offre la chance de mixer parmi les plus grands DJ de la planète. Rendez-vous maintenant sur partyfun.fr pour poster votre DJ set et peut-être gagner la chance de faire la première partie de l'événement. L'Electro Beach Music Festival, les 14, 15 et 16 juillet à Port Barcarès, avec Axwell Ingrosso, Martin Garrix, David Guetta, DJ Snake et beaucoup d'autres. C'est exclusivement avec Fun Radio. Le son dance floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out. bright, so colored. On Instagram, I don't like no other. So baby, why you don't write, don't holler. Let's have a short and get loose, get wavy. Cause we ain't sipping on the juice that they be. Guess you want me to Marouche. Party with my troops, switch the Rari to the coupe. Skinny mansion, we can party on my roof. Yo, when it's a new year, up 90. New spring, summer, new money. New car, queen. Says she went clever in her class. First time she got a star. And now she wanna ask somebody. And I just smashed the record with my 7th number one. I was praying for a time when I thought it would never come. And now I'm like no other. I'm sitting pretty high with my Stone Cold Stunner. Yeah. Yeah. Vous êtes en train de nous écouter là dans les voitures, sur la route. Il y en a aussi qui nous écoutent tranquillement là, en révisant. Bon courage à vous tous. Il y en a qui nous écoutent aussi qui vont mettre le match sur TF1. Non, sur M6 ce soir, pardon. C'est sur M6. France-Suisse qui va commencer tout à l'heure. Bien sûr, on vous tiendra au courant de tout ce qui va se passer pendant le match. Dès qu'il y aura un but, on sera au taquet. Mais d'abord, on va parler de ce chiffre. Ce chiffre qui peut mettre mal à l'aise quelque oui, part. C'est, hein. Oui. C'est vrai, parce qu'il y a 39% des gens qui ont déjà eu un gros fou rire alors que c'était pas du tout le moment de rigoler. Ça vient d'où le fou rire? Voilà. Ah ben, c'est une réaction nerveuse et moi ça m'est arrivé une fois, je vous raconterai comment. J'étais vachement gêné. Vas-y, commence. Bah ouais, dis-nous. J'ai fait une émission il y a 12 ans qui s'appelait Face à moi sur W9. Ah. Et j'enregistrais toute une journée, c'était des gens qui étaient face à moi et on parlait de petits problèmes de la vie. C'était ton émission qui s'appelait Face à moi. Ouais. Et donc, peu importe. Et donc j'enregistre. Arrivé au 10e, je tombe sur un mec un peu sympathique, mais je vais dire comment. Je sais pas, tu vois, il y avait un petit côté. Un peu naïf, quoi. D'accord, et c'était une émission où vous échangiez tous les deux sur des problèmes. Il venait pour une question, il était tombé amoureux d'une fille, je me souviens, qui ne le calculait pas du tout, il ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas. Et il était un peu teubé, c'est ce que tu es en train de nous dire. Voilà, et donc au bout de 2 minutes, il y avait un public en plus. D'accord. J'éclate de rire. Merde. De manière irrépressible en 10 minutes. Et génial. Et plus le mec me regardait impassible, le mec il était impassible en face de moi. Il n'y avait pas. Il n'a pas pu me dire, connard, pourquoi tu te tournes la gueule? Ah, rien, il disait rien. Il était impassible, il attendait que ça s'arrête. Et ça devait être gênant pour toi, putain. Plus il me regardait de façon impassible, plus j'explosais de rire. C'était... Je dis, putain, je pas. Mais tu sais, 12 heures je me tapais 12 heures d'enregistrement dans la journée. Tu craquais, quoi. J'ai craqué carrément, oui. Le mec est en dépression depuis, donc on a eu des nouvelles de lui, il viendra tout à l'heure dans l'émission. Alors, quand j'ai souvenu, j'avais honte. Alors le mec dans l'oreillette qui disait tout fort pour tout le monde, disait « Bon, excusez-nous, on lui a dit une connerie. » Ouais, pour justifier quoi. Hein, tu te moquais de lui quoi, Doc. Oh, bravo. Bah, il m'avait fait rire, tu étais tellement avait là. Mais tu te marres encore, hein, putain. Ouais. T'es en train de chialer là, Doc. Ah non, mais de rire. On a Cyril, non mais c'est vrai, les fous rires ça ne se contrôle pas par définition. Ouais. T'es là, Cyril? Oui, salut Carré, salut Doc. Bon, alors, bonsoir. Pas trop dégoûté de louper l'Euro? Non, on le voit l'Euro ce soir puisque on est devant le match là, donc on ne le rate pas. Mais n'en rajoute pas trop sinon je vais m'énerver. Ton pronostic c'est quoi? Je dirais 1-1. 1-1. Est-ce que tu regardes le match et que tu nous écoutes en même temps? Parce que c'est ça qui compte. Le commentaire, tu t'en fous. C'est bien sûr. Juste que des conneries. Bah, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde le match en muet et je mets le Wimpfen derrière. Et bah, voilà, bravo, Cyril. C'est comme ça qu'il faut tous faire. Parce que franchement, leurs commentaires. Hein. Ah bah, on s'en fout. C'est bien mieux d'écouter l'émission. Faut pas dire ça. Après, ça va faire un scoop et ça va faire toutes des histoires. Ah ouais. Oh non, non. T'as raison. Mais... Oh, je crois pas que quand tu vas au stade, ça va. Tu n'écoutes pas les commentaires, tu t'en portes bien. Je pense pas qu'on va se retrouver à faire le buzz en disant que les commentaires sur M6 sont pas terribles. Hein. On est à l'abri de rien. Mais je préfère les commentaires d'M6 à ceux de TF1. Moi, c'est, voilà, ah, quel faux cul. Je le dis. Oh, bah, en même temps, on est le groupe RTL, groupe M6. Oh, c'est la famille. C'est la famille. Je veux me fâcher avec personne. Donc, on est d'accord avec les commentaires d'M6. Ah ouais, on est d'accord. Mais les autres, c'est de la on les trouve super, ceux d'M6. Les autres, c'est que dalle. Ah bah, les autres, non, on s'en fout. On s'en fout, bien sûr. Cyril, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir un gros fou rire, toi? Ouais, alors en fait, si tu veux, c'était à l'enterrement de mon grand-père. Oui, j'étais, il y a un moment, en fait, si tu veux, bon bah, on sortait de l'église et t'as le mec des pompes funéraires qui était, enfin, qui s'est pris dans le tapis, pompes funèbres, pardon, qui s'est pris dans le tapis et qui s'est cassé la gueule. Donc du coup, tout le monde était en train de de pleurer, normal quoi. Et puis moi, d'un seul coup, je me suis tapé un fou rire de quand j'ai vu ça. Oh, c'est gênant. Du coup, bah, tout le monde m'a regardé chelou, même le curé qui était là et tout, ils m'ont tous regardé chelou, genre en mode ouais, d'accord, il a un enterrement, il rigole. Oh, monte ta gueule. Mais il paraît qu'il y en a qui sont tristes, dévastés et qui se marrent. Oui, c'est un rire nerveux. C'est un rire d'angoisse. Et ça doit être ouf. Oui, ça. Oui, c'est, tu ris, c'est complètement nerveux. C'est pas un rire de plaisir et de contentement. C'est pas un rire où tu te détends. C'est pas un rire où tu sécrètes des bonnes hormones. Hein. C'est un rire de stress. Mais même l'inverse, ça arrive. Parce que moi, je sais que ça m'arrive des fois d'avoir des fous rires et d'un coup, je sais pas pourquoi, je me mets à chialer. Non, mais c'est vrai, on est en train de rigoler, puis d'un coup, t'es là. Ça va, t'es triste. T'es triste, Alice. Tu sais, trop d'émotions d'un coup, tu sais pas laquelle choisir, en fait. On est dans ce registre des émotions, effectivement, les pleurs en font partie. Oui. Est-ce que c'est pendant que tu fais l'amour avec ton mec? Ah, ben, à n'importe quel moment, je suis très lunatique comme ça. Il te fait pleurer quand Non, il me fait pas pleurer, il me fait jouir, Doc. Bon, ça le mérite d'être cash. Axel est avec nous, 18 ans, près de Lille. T'es là, Axel? Salut, oui, Axel. Salut Doc, salut Karel. Salut Axel, t'as déjà eu des fous rires que t'expliques pas, un petit peu gênant? Bah un petit peu, enfin, j'étais à l'hôpital parce que j'ai des problèmes de genoux, tout ça, et puis j'étais tombée, donc j'étais en consultation. Et le spécialiste qui me consultait, il avait un super accent russe ou je sais pas trop quoi, et je me suis marrée qu'alors j'étais vraiment en train de pleurer parce que j'étais trop mal quoi. Et dès qu'il a parlé, il était mort de rire quoi. Donc, tu comprenais ce qu'il disait au moins? Pas du tout, ma mère aussi elle était morte de rire avec moi. Donc, Et du coup le mec a raté ton opération ou il a quand même... Non, du coup il a noté sur un papier que c'était reporté quoi. Alors, le problème c'est qu'elle a raison, c'est pas la seule, il y a beaucoup de médecins hein, qui viennent de l'étranger et qui ont... quelques difficultés avec notre langue. Ah, c'est chaud quand même. On est tellement en manque de médecins dans certains endroits, on n'a pas le choix. Ah ouais. Axel. C'est la réalité. Je sais pas, là, on peut avoir des problèmes si je dis ça, mais je m'en tape. Ah bon? Oui. Ah, mais dis donc, Doc est rebelle. Il n'y en a plus rien à foutre, Doc. Je suis pas rebelle. En France, on ne regarde pas les problèmes en face. On ne te fait part que des faux problèmes. Les vrais problèmes, on ne veut pas les regarder parce qu'on ne veut pas les résoudre. Mais moi, quand je suis allé en Bretagne, tu t'en parles là, comme ça, et j'ai carrément vu que quand je rentrais dans une ville, ils avaient mis un panneau en disant qu'ils recherchaient des médecins, quoi. Bah oui, bien sûr. Tu vois? Donc, t'as raison. Hein. Oui. Axel, reste avec nous. Il y a Diana aussi. Diana, 26 ans de Toulouse. Bonsoir Diana. Salut Diana. Bonsoir ma famille. Salut Diana. Un petit fou rire, un gros fou rire, raconte. Alors c'était un gros fou rire en fait, c'était en pleine prière dans l'église en fait. Il y avait le silence total et donc du coup en fait j'étais en train de m'imaginer qu'il y avait quelqu'un qui lâchait un gros prout en fait. Donc du coup en fait ou qui faisait l'amour dans le confessionnal pendant la prière. Donc du coup en fait Donc du coup en fait j'ai pouffé de rire et on m'a dit mais pourquoi tu rigoles, je dis non pour rien en fait. Donc voilà. Ah parce que c'est gênant en plus, tu peux pas l'expliquer. Oui c'est gênant quoi. Voilà. Voilà oui voilà c'est ça. Et si t'essaies de t'arrêter, tu continues en fait, c'est pire. Oui, voilà, c'est pire, oui. Alice, il y a aussi des réactions sur les réseaux sociaux là. Ouais, il y a Morgane qui était à un entretien super important et au final, il s'est rendu compte que le mec avait une sorte de vieille crotte de nez, au coin du nez. Et du coup, il a pas réussi à se contenir, c'est parti en fou rire, il a été obligé d'interrompre le rendez-vous et il a pas eu le boulot, donc voilà. Ah merde. Et Maëva qui s'est tapé un gros fou rire alors qu'elle était en pleine levrette avec son plan cul, inexplicable, mais voilà, moment gênant. Le mec, il débande direct et il se barre. Ah bah là, oui. C'est sûr, hein, franchement. Ne riez pas quand vous voyez nos sexes, les filles. On ne peut plus rien faire après. Même si ça prête à rire. Ouais, non, mais bien sûr. T'imagines la meuf, tu lui montres ta teub et bah, elle se marre, quoi. Mais des fois, la situation est drôle. C'est pas forcément le sexe en lui-même. Ah, nous, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais des fois, c'est votre pose, en fait. Quand vous êtes tout nu, vous savez pas forcément comment vous mettre et vous avez des poses qui sont un peu particulières. Donc, t'es en train de nous dire qu'un mec à poil, c'est quand même un mec ridicule. Bah, non, mais quand il pose en mode je mets les mains sur les hanches et je suis comme ça, enfin, tu vois, c'est un peu particulier. Avec le service 3 pièces à l'heure. Exactement. Ouais. Bah, tu veux qu'on les mette où nos mains ? Bah, vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Enfin, vous semblez un peu gêné, quoi, c'est tout. Ok. Pourquoi pas. On sera dans un instant avec Brian, ouais. 14 ans de Cholet. Restez bien avec nous pour le défi Fallait pas demander. Le match France-Suisse qui vient de commencer à l'instant. Et le score est toujours de 0-0. Bravo. Enfin, ça vient de commencer. C'est normal. Voici Benny Bellassi. Voici Paradise sur Fun Radio. Bonne soirée à tous. Love in Fun. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you et Chris Brown sur Fun Radio, c'était Paradise. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs, Love in Fun.

The Chainsmokers sur Fun Radio et Don't Let Me Down. Si vous pensez qu'une capote sert juste à protéger les voitures, vous devriez peut-être écouter Loving Fun. 20h-22h sur Fun Radio. Tous les soirs en direct sur Fun Radio, Love in Fun du dimanche à jeudi, 20h-22h, toujours 0-0. Hein. La France contre la Suisse, ouais. Ce soir, 14 minutes et 35 secondes de jeu. Nous sommes bien en direct. Hein. Avant d'accueillir Mathéo qui a eu plusieurs rapports sexuels et qui ressent quelque chose, un truc un peu chelou pendant les préliminaires. Il faut que tu nous racontes ça, Mathéo. Hein. Dans un instant, Doc. Il sera avec nous. D'abord, on va lire des messages qui sont arrivés là sur les réseaux sociaux. C'est parti, Alice. Un message de Lucas. Avec mes potes, on se pose une grosse question. Selon vous, est-ce que les filles kiffent les éjaculations faciales? Non, ça, c'est aussi le résultat de la pornographie. Je suis désolé de le dire. Ça fait 20 ans qu'il y a des séries éjaculations faciales. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mecs qui sortent des films avec des mecs qui éjaculent sur les filles. Alors souvent, en plus, c'est pas du sperme, il y a du chocolat, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Du chocolat? Non, du lait concentré. Ah oui, parce que sinon, c'est du lait, lait concentré. Ça sent pas bon, là. Hein. Ça les gênerait. Du lait concentré, tu sais, le lait concentré. Ah, bien sûr. Qui ressemble un peu à c'est vachement bon, ça, en plus. Oui, donc voilà, donc, non, mais c'est l'influence du. Donc les filles n'aiment pas, et c'est que les mecs qui kiffent. Non, je pense que dans une relation sexuelle à deux, on peut effectivement se faire tous les délires, on peut avoir du plaisir avec des choses comme ça. Voilà, c'est pas non plus un passage obligé pour prendre du plaisir. Ah, c'est pas le truc que tu vas faire d'entrée de jeu. Non, je crois que c'est pas mon truc. Tu m'étonnes. Un autre message de Manon. Je suis toujours crevée quand je suis en cours et pourtant je dors bien la nuit. Pourquoi? Souvent, deux tiers des élèves ne sont pas suffisamment hydratés. Ça peut suffire à expliquer ça. Deuxièmement, quand on est fatigué et que c'est pérenne, ça dure longtemps. Dans ces cas-là, il faut un examen clinique. Je le répète toujours, c'est quand même vachement important de savoir pourquoi, on sait jamais. D'accord, et ben le message est passé en tout cas pour tous ceux qui se sentent concernés. Buvez un litre et demi de flotte par jour. Absolument, à la tienne Doc. Mathéo, ouais, t'es là? Merci. Ouais, je suis là. Salut Mathéo. Salut Mathéo, t'as 15 ans et t'es à Chantilly, t'appelles pourquoi Mathéo? Je veux savoir en fait pourquoi je ressentais rien pendant la pénétration. Oui, et après? En fait, pendant les préliminaires tout se passe bien, j'ai du plaisir et tout. Mais quand la pénétration arrive, je ressens rien. Est-ce que t'es vraiment dedans? Oui. Oui, d'accord. Tu sens que tu es dedans? Oui. C'est tout chaud à l'intérieur? Oui. Oui, c'est ça, ça ressemble. Est-ce que tu bouges? Oui. D'accord. Et ça ne fait rien du tout? Non. Ah oui, parce qu'il faut bouger quand on pénètre, Doc. C'est important. Tu sais que c'est arrivé, ça. Il y a très longtemps, oui. Ah oui, t'en as qui pensent que pénétrer, c'est juste la mettre à l'intérieur. Des gens très, très religieux qui n'arrivaient pas à avoir des enfants. Je ne comprends pas. Pourtant, je la pénètre. Ils étaient quasiment sur un plan de fécondation in vitro. Jusqu'au jour où ils ont vu un religieux, un rabbin en l'occurrence. Il leur a dit, mais est-ce que vous bougez? Ah oui, il c'est mieux. Pas, il bougeait pas. Après, la fille peut bouger à la place du mec. Non, mais c'est tout. Alors, bon, après, ça peut être drôle, mais c'est comme ça. Écoute, je sais pas vraiment si dans les préliminaires, t'as du plaisir et pas dans la pénétration. T'as mal ou t'as quoi? Non, j'ai rien de spécial. Après, je me demandais, enfin, c'est un peu bête, mais est-ce que le fait que je réfléchis trop pour essayer de bien faire que ça me... Ah, mais alors, carrément. Parce qu'en fait, dans la relation amoureuse, il faut s'abandonner. C'est quand même quelque chose comme ça. À partir du moment où tu intellectualises la relation sexuelle et que tu dis premièrement, deuxièmement, troisièmement, oui, tu es dans un calcul. Où est ton... En fait, on a tous une usine à fantasmes ou des choses comme ça. On imagine, bien sûr, pendant le rapport sexuel, des choses qui te donnent du plaisir. Donc, c'est vrai que mais c'est pas ça, le fonctionnement cérébral est très important pour éprouver du plaisir. Lui, il imagine qu'il faut qu'il fasse bien les choses, qu'il pense à bien la caresser, j'imagine. Tu penses à quoi quand tu lui pénètres, en fait? J'essaie de bien faire le mouvement pour essayer de faire pour qu'elle fasse plaisir, etc. Ah oui, et c'est bien ça. Tu vas te détendre, Mathéo. Ah oui, détends-toi. Hein? Et puis, voilà. Tu parles pendant l'amour ou pas? Pas vraiment. Et elle parle? Non plus. Et quand elle a du plaisir, elle, quand elle ressent du plaisir, oui. Ça te fait quoi? Ça me fait plaisir. Enfin, je me dis que, au final, c'est. Non, mais c'est attends, pas plus mal. Ça t'excite. Lui, il intellectualise tout. Il note. Bon, là, oui. Elle a du plaisir. Elle ressent du plaisir. Paragraphe 4, chapitre 5. Et Mathéo, détends-toi. Sois cool ou quoi? Alors, ce que tu peux faire, c'est qu'elle te donne du plaisir. Est-ce que tu as déjà eu des orgasmes avec elle? Ouais. D'accord. Par les caresses? Oui, voilà. Alors, tu vas continuer avec la pénétration comme ça, avec les caresses, je dirais, lorsque tu arrives à un niveau de plaisir important, tu la pénètres, ça va aller mieux. D'accord. Et tu vas te détendre et ça va démarrer. Parce que le problème, c'est le problème de l'échec, l'espèce de... La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de l'échec fait qu'on répète l'échec, voilà. Mais bien sûr. Mathéo, j'ai une petite idée là, comme ça. Ce qui serait pas mal, c'est que Doc soit au pied de votre lit la prochaine fois pour t'encourager et pour te dire allez Mathéo, vas-y maintenant c'est le moment, abandonne-toi, lâche-toi. Parce que si tu veux ça, il vaudrait mieux envoyer Alice. Bon, que ça risque de se terminer en plan A3 cette histoire. Je le cache pas. Tu peux venir aussi mais je viens aussi. Du coup, écoute, je sais ce qu'on va faire Mathéo. Mathéo. On vient, on fait une petite touze et on baisse ta meuf. Allez, tu sais quoi, on va faire le buzz. Fun Radio organise la touze, la touze géante. Je ne suis pas de la partie. C'est pas mon truc. Ah bien sûr, ouais, Doc, bien sûr. Ah, si tu seras là pour encourager tout le monde. Allez les champions, allez la France. Non, moi je suis fait ça traditionnel à deux. Mathéo, suis bien les conseils du Doc, c'est important. C'est comme ça que ça va aller mieux entre vous. Et puis voilà, il n'y a pas de performance. Hein. Ok. Non, je crois pas. Tu prends ton temps surtout, Mathéo. Ok. Ouais. Salut mon pote. On va t'envoyer tout ça. Ouais, tu raccroches pas. On va prendre tes coordonnées. Ouais. Salut à toi. Salut. Ciao, ciao. Dans un instant, on sera avec Florian, 18 ans, de Villefranche-sur-Saône. Il veut savoir quelle est la profondeur du vagin d'une fille. Ah. Et c'est une très bonne question. Ah bah bien sûr. Je vais y répondre sérieusement. Ah, c'est très profond, hein. Pas tant que ça. Ah bon? Non. On va en parler dans un instant. J'avais l'impression, moi. C'est pas la peine d'en avoir une de 20 centimètres. Voici Sib, Brief sur Fun Radio. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Your kisses are the only doubt. I listen up from your lies. Brice sur Fun Radio, c'est Love in Fun. In du sexe et du fun. 20h-22h sur Fun Radio. Et lâchez-vous tous les soirs sur Fun Radio. Faites comme les bleus, lâchez-vous 0-0. Bon. On est à 23 minutes de jeu, 24 dira bientôt là. France-Suisse 0-0, il se passe pas grand chose, faites bien d'écouter. Non, il se lâche pas avant la deuxième mi-temps. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, nous l'équipe de France, on est bon les 5 dernières minutes. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passe rien pendant 85 minutes et après les 5 dernières minutes, on en met un ou deux. Voilà. C'est déjà mieux que rien, hein. Franchement. Oui. Pour l'instant, on a 6 points, on est déjà qualifié, donc tout va bien. On va accueillir Florian dans Love in Fun, il a 18 ans. Il nous appelle près de Villefranche-sur-Saône. Il n'y a que dans Love in Fun qu'on peut poser ce genre de questions. Vas-y. Bonsoir Florian. Bonsoir. Salut ouais. Florian. Bienvenue Florian. Tu t'es dit, tiens, j'appelle l'émission, je veux demander un truc. Ouais, je voulais vous demander, c'est quoi la profondeur d'un vagin d'une femme? Ouais, 8 à 12 cm. Quoi? Oui. Bon non. Bah si. Bon non. Ça dépend des états d'excitation, parce que je vous rappelle quand même que le vagin se dilate, se gonfle énormément, ouais. Ce qui va donner la mouillure vaginale, puisque les structures à partir du clitoris rentrent à l'intérieur du vagin. Ouais. Et se gorge de sang comme une érection. C'est la même chose, voilà, sauf que c'est la verge à l'envers à l'intérieur du vagin. Les structures sont similaires, avec des corps caverneux qui se gonflent. Quoi. En fait, c'est comme si on mettait notre pénis dans une autre verge. C'est ça, tu te la rentres. Putain. Tu te la rentres dedans. Mais je veux pas faire ça, Doc. À l'envers. Non, mais bon, voilà, donc, non, 8 à 12 centimètres. C'est ouf. Tu donc, savais ça, les mecs qui ont 25 centimètres. Non, je sais pas. Ouais. T'as vu? On apprend c'est des pas trucs. La peine, c'est pas la peine d'en avoir une de 20 à 24. Quand vous pénétrez une fille, vous pénétrez un sexe à l'envers. Voilà. Dites-le vous bien la prochaine fois, vous penserez à nous. Hein et d'autre part, ouais. La partie la plus sensible chez la fille, c'est le premier tiers, parce que c'est le prolongement du clitoris avec la fameuse zone G. Bon, qui est un peu. Le point G, quoi. Point G, oui. Ouais. Rosenberg. Qui ne sert à rien. Définie comme ça, qui ne sert à rien. En fait, voilà, première partie du vagin est très sensible. Plus sensible que la profondeur. Après, il y a tout ce qui vous excite. Alors, ça aussi, dans le plaisir, c'est un paramètre essentiel. Tout ce qui va dans votre imaginaire, dans le fait de ce qui se dit, de ce qui se fait, qui va générer une excitation et qui va provoquer beaucoup de plaisir. Ça, c'est pas une question de zone érogène, c'est une question cérébrale. Tu l'as déjà fait, Florian, ou pas, toi, l'amour? Ouais, ça fait 2 ans que j'ai pas copine. D'accord, et pourquoi tu te posais cette question en fait? C'est parce que t'avais l'impression qu'il y avait de la marge? Ah non, j'étais avec un copain et puis je me demandais jusqu'à où ça allait parce que. Ça va pas aller jusqu'au centre de la Terre. Hein. Ouais, tu remontes pas jusqu'aux amygdales. Non, c'est pas le même chemin, ça tombe bien. C'est quand même vachement extensible parce qu'il y a la tête d'un enfant qui peut sortir de là quand même. Extensible, largeur. Ah ouais. Ah, c'est pour ça. Moi, t'as encore de la marge, Florian, avec ta teub. C'est sûr. Tu reviens quand tu veux, Florian. Ouais, salut. Là, je peux dire une petite dédicace. Okay. Allez, tu peux tout lâcher, vas-y. Je dédicace une dédicace à ma copine Cécile Dutrel, et puis à Bébert, à Clément et à tous ceux du Beaujolais. D'accord, salut à toi. Ouais, salut. Salut Beaujolais. On a John Paul qui est avec nous. Salut John Paul. Salut John Paul. Salut, bonsoir. Salut Karel. Bonsoir salut John, Paul. Salut vous John Paul. T'es le cousin français de Sean Paul? Hein, John Paul? Non, je suppose qu'on a déjà dû lui faire. Ah bah je pense. Je dois être... Oui, mais vous me l'avez déjà fait parce que j'ai déjà appelé. Hein, mais j'ai fait à chaque fois. Ah bah voilà. Et pourquoi t'appelles maintenant, aujourd'hui? Alors, j'appelle pour savoir, c'est toujours au mec. Pourquoi c'est. Pourquoi les mecs, ils font toujours le premier pas? Ah, c'est pas toujours le cas, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même les mecs qui vont plutôt draguer les filles. Dites-nous en tout cas, les filles, ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites, vous, le premier pas parfois? 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Par exemple, Alice, toi, je suis sûr que tu peux faire le premier pas. Ça m'arrive. Bah, j'attends toujours. J'attends toujours. Tu vas t'asseoir dessus. Ça commence à prendre une tour. Rien à faire de toi. Je suis pas sûr, Doc. Je suis pas sûr, j'ai encore de l'espoir. Voici DJ Snake. Talk. To lose. Vous l'avez découvert sur Fun Radio en exclu mondial, DJ Snake et Talk. À quoi pense-t-elle? Loving Fun et Girls.fr vous disent tout. Ce que veulent les filles dans Loving Fun. Et toujours 0 à 0, hein, le match de l'équipe de France face à la Suisse. Bon, je peux pas regarder tout le match, hein, parce que bon, on fait aussi une émission de radio, mais j'ai vu mais une belle transversale. Surtout que t'as le nez en l'air, parce qu'en fait, je vous explique, on est dans le studio et tout en haut, il y a un écran de télé. Et vous avez Karel qui est comme ça, il faut qu'il parle dans le micro en même temps. Ah oui, bah bien sûr, bah attends, Doc, j'informe. T'as jamais tous ceux vu 22 mecs courir derrière un ballon? Bah là, franchement, moi je trouve ça passionnant. C'est un euro passionnant, Doc. Ah, d'accord. Je okay, suis ouais, à fond. Je comprends que des gens aiment ça. On a John Paul qui est avec nous. Salut, oui, John Paul. Bonsoir Karel, bonsoir Doc. J'appelle pour savoir pourquoi c'est toujours Mac de faire le premier pas. Non, pose la question différemment. Raconte ton histoire. Ouais, comment tu t'y prends toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé déjà? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Franchement, je sais pas trop comment m'y prendre avec tes filles, mais je sais que c'est toujours Mac de faire le premier pas, donc j'aimerais savoir pourquoi. Attends, t'es sorti avec des filles? Faut que tu coupes ta radio, John Paul, parce qu'on entend la radio derrière. Ah. J'entends la radio derrière. Oui. Ah bah oui, non mais t'inquiète pas. C'est vrai que si tu fais ça aussi avec les filles, ça va pas marcher. Ah bah oui. Et alors, est-ce que t'as déjà essayé de sortir avec une fille? Oui, j'ai déjà essayé. Est-ce que tu étais amoureux? Pas à 100%, mais au moins 90%. Et pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en fait, le problème c'est qu'elle était un petit peu loin. Moi j'étais dans le 7-7 et elle a été dans le département 38. Mmh. Ah oui. Donc d'accord. C'est un petit problème. Donc ça n'a pas marché à cause de la distance, mais t'as l'impression qu'à chaque fois que tu dragues une fille, bah voilà, c'est toujours à toi d'aller la voir en fait. Exactement. D'accord. Et t'as pas le courage d'y aller? Pas forcément. Faut poser la question comme ça. Qu'est-ce que t'as à perdre? T'es pas obligé d'être vulgaire et grossier, tu peux aussi parler. Il faut parler de la pluie et du beau temps. Tu parles à une fille comme si tu parlais à un copain. Il faut pas imaginer que tu vas sortir avec elle comme ça. Apprends à la connaître, dis bonjour, comment ça va? Et t'as vu la météo ce week-end en Bretagne? Oh putain, il a encore un petit peu plu là. C'est un peu ringard. Ouais. Ça. Ah bah attends, Doc, tu dis parler de la pluie et du beau temps. Je sais pas, ils ont une vie à l'école, il se passe des choses, tu parles de leur vie, de, je sais pas, des sujets qui les préoccupent, il y a plein de choses à dire. À l'école, Madame Toupin, t'as vu, elle nous a encore mis des zéros. Voilà, par exemple, ça ouais, oui, peut-être. Ok. Mais c'est tout comme ça, fais comme ça déjà, John Paul. En fait, il y a un secret, John Paul. En parlant avec. Mais bien sûr. Oui. Le secret, c'est de pas se mettre la pression et d'y aller comme si c'était foutu d'avance. Même pas comme si c'était foutu, comme si ça allait pas aller de soi. Puis un jour, il y a un déclic qui se fait. Et tu le verras, le déclic, parce que le langage dans une relation amoureuse n'est pas que verbal. Il y a une façon d'être, une façon d'agir, une façon de regarder, une façon de porter intérêt qui montre, ce sont des signaux qui montrent qu'il y a un intérêt l'un pour l'autre. Et ça, il faut pas ignorer ça. On a Marie qui est avec nous. Bonsoir Marie. D'accord. Bonsoir Karel, bonsoir le doc. Salut. Salut Marie, t'as 24 ans, t'es à Libourne. Ouais, à côté de Libourne, ouais. D'accord. Est-ce que c'est toi qui vas voir les mecs ou c'est les mecs qui viennent te voir? Moi j'ai vécu les deux, mais c'est vrai que la dernière fois que j'étais voir un mec, ça m'a rapporté petit garçon, donc bon, j'ai pas rêvé. Attends, j'ai pas tout compris. Tu peux rappeler là? Parle bien dans le téléphone, ma chérie, sinon on n'entend pas. La dernière fois, c'est moi qui ai fait le premier pas pour mon mec. Et au final, ça n'a pas duré, mais bon, j'ai pas regretté d'avoir fait le premier pas. Pourquoi? D'accord. Parce que ça... D'accord, t'étais content. Il était content, le mec, hein? Il était content, ouais, mais après, bien c'était une question de feeling. Voilà, il y a eu des petits regards échangés, la façon d'être, tout ça. Et voilà, que ce soit le mec ou la nana qui fasse le premier pas, ça change rien, quoi. Donc, en tout cas, en fait, dans la relation amoureuse, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. C'est à peu près comme ça. En même temps, quelquefois, c'est quand même un peu partagé. On rentre en relation, on parle et... À force de parler, il y a une assurance qui arrive. Et je trouve que ça évolue. Je trouve que de plus en plus, les filles font le premier pas. Et c'est pas pour nous déranger, nous, les mecs. C'est vrai, Alice, toi, tu peux faire le premier pas. Hein. Ouais, je peux. Après, je le fais pas forcément. Mais si j'en ressens le besoin, je le fais. Après, ça dépend. Il y a premier pas et premier pas. Il y a le. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est les meufs. Ouais, mais c'est pas le. Il y a des différents premiers pas. Premier pas, pourquoi? Il y a le premier pas pour créer le lien entre deux personnes. Et après, il y a le premier pas pour aller plus loin avec cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Et on commence pas. On commence pas par le deuxième premier pas. Non, le deuxième pas. Parfois ça commence par le deuxième pas tout direct. Et moi je fais le premier, mais pas forcément le deuxième. D'accord. Voilà. Bien sûr, il faut voilà. Tu vois, c'est compliqué, apprenez à connaître les autres. En fait, quand on a cet âge-là, souvent ce qui se passe, on parle vachement avec ses potes du même sexe, garçons, filles comprises, et pour parler aux autres, c'est compliqué parce que voilà. Donc, imaginez que c'est un pote. L'enjeu paraît tellement énorme. Ouais. Arrêtez. Et on se pose toujours la question, est-ce que je vais lui plaire ? Et puis, à un moment donné où la pression interne est tellement forte, est-elle besoin qu'on y va ? Qu'on explose et qu'on en peut et plus. Là, on se lâche. Ce qui va t'arriver, John Paul, Cécile, au standard, tu fais le premier pas ou pas ? Non, je suis très très nulle pour ça. Alors, autant je peux essayer de parler avec le gars, demander son numéro de téléphone, j'y arrive pas du tout. Une fois qu'on a les SMS, je peux dire viens, on sort, mais alors, par exemple, le bisou, c'est jamais moi qui essaiera genre de faire le bisou en premier, quoi. Et là, avec ton mec, là, en ce moment, enfin, ton mec, le rencard que t'as eu, tu penses qu'il va y avoir un bisou bientôt ou pas ? Je sais pas, écoute, je prie le ciel chaque jour. Mais... est-ce qu'il s'est manifesté depuis ? Ouais. T'as rencard avec lui quand, là ? Je sais pas. Il y a un deuxième rendez-vous. Bah oui, on va voir ça. Pourquoi tu le fais pas venir à la radio qu'on le rencontre ? Ah bah alors là, jamais de la vie. Ok. Alice, il y a des réactions sur les réseaux sociaux. Il y a Yannick qui dit, on dirait que ça n'existe vraiment pas les filles qui passent à l'attaque, ou alors c'est que je suis trop moche pour elles. Et Maëva qui dit, dernièrement j'ai fait le premier pas, et c'est vrai que ça fait bizarre quand même, c'est gênant de demander aux hommes de sortir avec nous. Moi je trouve ça super. Il y a quand même des filles, moi j'ai toujours vu ça, des filles qui font le premier pas, ça existe évidemment. Ouais, mais elles te demandent 50 euros, donc. Non, je ne parle pas des payantes. Ah oui, d'accord. Il y a des filles qui sont, voilà, qui veulent. Oui, il y a des filles qui font le premier pas, oui. John Paul. Oui, Karel, moi je comprends pas parce que mon frère c'est un gros cutard, il les enchaîne les unes après les autres, et pourtant il aime pas forcément faire le premier pas, mais elles viennent toutes vers elle et il les enchaîne, et puis voilà, c'est la fête, et c'est une par une, et puis c'est, allez, c'est la, voilà, la manière d'être, les mecs sont vachement vantards, c'est genre, je suis tellement beau que les filles s'accrochent à mon cou toutes, et veulent, non mais attends, faut arrêter, bien sûr que si, il fait le premier pas parfois. Mais oui, bien sûr. Mais méfie-toi de ce que va te raconter ton frangin. Non, je suis sûr que ce qu'il me raconte, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Mais écoute, j'ai vraiment confiance en lui. J'ai envie de te dire, il est beau, t'es moche. Ça se trouve, c'est ça la vérité, c'est que t'es très très moche, peut-être, John Paul. Non, Karel, je te rassure. Eh ben alors. J'ai un bon corps, j'ai une belle tête, t'inquiète. Eh ben alors, John Paul, prends confiance en toi. Et tu as 15 ans, John Paul. Et souvent, c'est cette phase de latence. On rêve d'être amoureux, on a envie d'être amoureux et on ne se lance pas. Et je te le dis, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un jour, il y a quelque chose qui fait que tu y vas. Voilà. Bon courage, John Paul. Ça va venir. Embrasse les petits oiseaux dans la nature autour de toi. D'accord. Et Karel, je peux faire quelques petites dédicaces, s'il te plaît ? J'ai l'impression que ça va durer une plombe. Fais un résumé. Je vais faire trois dédicaces. Une dédicace à tous les sapeurs-pompiers de France qui m'ont écouté, à ma caserne de Rosay-en-Brie. Et à Jackie Michel. Ah putain, il se demande pourquoi il pêche. C'est pas étonnant que tu pêches pas. Si tu prends modèle sur Jackie et Michel, t'es mal barré. Jackie hein. Et Michel. Évidemment, lui, il voit une histoire sexuelle d'emblée, quoi. On les embrasse, Jackie et Michel. On les connaît bien. C'est pas ma tasse de thé. Salut, John Paul. D'accord, salut. Ciao. Et on est avec Pierre, 25 ans, qui tu nous appelles de Suisse. Allô, Pierre. Oui, bonsoir. Salut, Karel, Pierre. Toute l'équipe. On va te défoncer ta gueule ce soir, Pierre. Je suis en train de regarder le match. Pour le moment, ça va. 0-0. 0-0. Ouais. On est très amis avec la Suisse. On va peut-être se finir sur un match nul. Hein. Pierre, tu nous appelles pourquoi ? Alors moi, j'aurais voulu savoir s'il y avait un risque pour tester les relations anales avec des hommes en tant que passifs. En tant que passif, hein, j'ai l'impression que c'est une interrogation. C'est très facile. Passif, actif, tu nous expliqueras donc la différence. Et voici Cashmere et Wild Card. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? We'll be right back. Cashmere, Wildcard. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 0-1-42-48-5000. Love in Fun. Sur Fun Radio. Bon, toujours 0-0, France-Suisse. Il ne se passe pas grand-chose bientôt, la fin de la première mi-temps. Et Pierre est avec nous, il a 25 ans, il nous appelle de Lausanne. Enfin, vers Lausanne, en Suisse, justement. Il est là. C'est là, salut, Pierre. Salut, Pierre. Oui, bonsoir à tous. Salut à toi, Pierre. Vas-y, tu voulais poser une question. Oui, alors moi, j'aurais voulu savoir s'il y avait un risque pour les relations anales en tant que passif. Passif, c'est-à-dire que c'est celui qui reçoit. Bien sûr, voilà. L'offrande. Le risque est plus important pour une raison simple, sans protection. Le passage à la muqueuse anale, s'il n'y a pas une bonne lubrification, va générer des micro-coupures. Oui, des micro-ulcérations, voire des ulcérations carrément déficieuses. C'est une possibilité, puisque la muqueuse anale n'est pas faite pour recevoir un sexe. Donc, il faut une lubrification passive assez conséquente. Donc, le rapport anal, oui, c'est avec préservatif. C'est important. Pierre, pourquoi tu poses cette question? Parce qu'avec préservatif, il n'y a pas de souci. Ben parce qu'en fait, donc à la base, moi, je suis totalement hétéro, mais là, j'avais envie de tester avec un ami parce que ça fait quelque temps que ça m'attire. Mais j'ai lu sur 2-3 forums et internet qu'il y avait effectivement des risques de fissures anales ou au pire même plus. Ah ben l'expression fais attention à tes fesses prend tout son sens. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Non. Bon. Voilà. Non, je crois que. Mais tu es homo ou tu es pas homo? J'ai pas compris. Ben, il est tout. Oui, voilà. Ben, à la base, je suis hétéro, je suis sorti avec plusieurs filles et tout. Mais j'ai envie de tester. Et comment tester avec... ou t'as envie de relations sexuelles? Est-ce que les mecs te font bander? Est-ce que tu fantasmes sur des mecs? Ou pas du tout? Oui, un peu. Ouais, d'accord. Mais... Ah, écoute, c'est ton affaire. Lubrification, préservatif. Moi, voilà. J'ai une question, parce que je trouve ça assez étonnant. C'est-à-dire que t'es hétérosexuel à la base, donc ça veut dire que tu pénètres des filles. Et là, en devenant homosexuel, quelque part, c'est là que toi, tu vas te faire pénétrer. Voilà, exactement. J'ai envie. Pourquoi tu veux pas le pénétrer? Bah, j'ai déjà testé cette sensation avec des filles, donc c'est mais jamais dans un derrière. Mais si, ils avaient tout sodomisé. Tu leur fais des trucs comme ça? Avec une fille, c'était que pénétration vaginale. D'accord. Okay, c'est pas la même chose anal et vaginal. Est-ce que t'es amoureux, Pierre? Pas pour le moment, non. D'accord. Donc c'est pour ça que tu veux tester. Mais écoute, bon courage. Voilà, c'est tout, mais lubrification, préservatif. Okay, Pierre. D'accord, oui, parfait. Bon, tu reviens quand tu veux. Et un lubrifiant à l'eau pour protéger les préservatifs qui sont à latex en général. Et on va vous la mettre sévère ce soir, Pierre, je te le dis. Parce que t'es en Suisse, Il y a une continuité dans l'acte de sodomie et le fait de leur mettre sévère, oui. Bah non, mais tu peux l'analyser pensé, comme mais ça. Mais tu l'as pensé très fort. Oui, tout à fait, donc absolument, merci de le préciser. Pierre, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Salut mon Pierrot. Ciao, ciao. On a Lexi qui est avec nous. Salut Lexi. Salut Lexi. Salut Karel. Salut le doc. Salut la famille. Salut. Lexi, t'as 14 ans, t'es de Montauban. Ouais. T'appelles pourquoi Lexi? Ben parce que je voudrais savoir comment faire pour dépasser le complexe de ma petite poitrine. D'accord, mais tu bouges pas. Sans déconner, Cécile au standard, tu pourrais pas lui en donner un peu là, comme ça, il n'y a plus de complexe là. Après, on a échangé nos mamans, on a échangé nos seins. Allez-y là, 01 42 48 5000. Qui veut donner un petit peu de son sein? Vous restez avec nous, on écoutera David Guetta, Zara Larsson. L'hymne de l'Euro 2016. C'est la mi-temps. Et toujours 0-0. A tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Allô? Allô Marine? Wow, c'est Flipper le dauphin. Marine, c'est bien toi? Est-ce que tu peux nous dire quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bravo! 359,86 €. C'est le bon temps du découvert. Je te paye ce découvert. Merci. Tous les matins, je vous écoute et tous les matins, je rigole. Marine, alors pourquoi tu me dis ça en pleurant? Parce que je suis contente. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Avec Oasis et Orangina, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repars avec un ballon de foot pour seulement 5 € à l'achat d'un menu XL. Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. sky take shape, but I wanna see the stars burn after I had my turn. And oh, you're working so hard, you played your card, supposed to pay off. And oh, big talk is cheap, you gotta go deeper than deep to get me off. If you're picking up my call, got under your waist, you know that I'm in control. On est en direct hein, tous les soirs sur Fun Radio du dimanche au jeudi 20h-22h. Vous pouvez d'ailleurs nous mater en streaming sur le site de funradio.fr. Je sais qu'il y en a plein qui sont connectés, qui nous regardent comme ça pendant toute l'émission, parfois qui passent quelques minutes. N'hésitez pas, vous allez voir nos têtes. Allez-y. Bonjour. Funradio.fr, Doc vous fait un salut amical. On est en direct, nous. Tu peux leur faire un bisou, Doc. Faut pas exagérer, non. Moi, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous lâcher en tout cas et surtout appelez-nous hein, 01 42 48 5000. Il reste encore quelques minutes là avec vous tous, vous toutes. On va accueillir Lexi. Lexi, 14 ans de Montauban. Salut Lexi. Salut Lexi. Salut Karel, salut le doc, salut la famille. Tu sais qu'on t'a entendu chanter pendant la chanson. Hein, tu peux chanter là, vas-y. Allez, refais-nous. Allez, fais-nous un petit truc là. Ah okay. Non. Si. Bah, Lexi, sinon, ouais. Lexi. Allez. Lexi. Allez Lexi. I'm in control. Allez, vas-y, vas-y. Mais n'aie pas peur, tout va bien. Quelle horreur. En plus, ça fout la pause parce que là, je chantais mal, mais à la base, je suis dans un groupe. Attends. Ah ouais? Donc, tu chantes bien, vas-y, chante. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Fais-nous plaisir. Tu chantes dans une chorale? Non, dans un groupe de rock. Dans un groupe de rock? Wow. Ah, on veut entendre ça. Alors là, tu nous as trop mis l'eau à la bouche. Du rock dance floor. C'est quoi, par exemple, la chanson que tu chantes là en ce moment là, avec ton groupe? À la fête de la musique, vous allez faire quelque chose? Hello. Vas-y, allez. Et Dadel? Oui. Ok, bah c'est parti. Hello, Dadel, par Lexi, en direct sur Fun Radio. Oh non. Je t'aide pour le début. Hello. It's me. I was wondering this after with you, they like me to go over everything. They say the time's old, yeah, but I'm done much healing. Hello? Can you hear me? Elle chante vachement. Bravo! Bravo! Oh. On le refrain! Oh, le refrain! Tu ah, mais nous... oui, attends! Allez, le refrain! Le refrain! Oh non! Allez, si, attends, t'as une super voix! Non, mais moi, on vas-y. S'en fout! Allez, vas-y! Allez, vas-y! I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you, never seems to be home. Je buzz, je me retourne! Bravo Alexis. Alors là, attends. Bravo. Félicitations Alexis, c'est formidable ce que tu fais là. Ah, Doc, ton premier fan, il va t'acheter ton album. Hein, je te le dis tout de suite. Non, mais moi, quand les gens s'expriment par de l'art, tellement à cet âge-là, tellement mis dans des carcans, je trouve ça tellement formidable. Vraiment, je le dis comme je le pense. Non, le fait de s'exprimer, de se lâcher, parce que l'art, ça permet de se vous lâcher. D'être complètement dans des couloirs, dans l'école, il faut respecter des consignes, ce qui est tellement important. L'art, c'est une façon de, de faire sauter les barrières. Est-ce que c'est un artiste de faire des fucks à ses profs, Doc? Non, c'est un peu con. Bon, Lexie, alors qu'est-ce que t'as comme problème, ouais. Lexie? T'appelles pourquoi, Lexie? Ben, moi, en fait, j'appelle parce que je suis complexée par rapport à ma petite poitrine. Tu fais du combien? Ben, je porte encore la brassière 14 ans. D'accord. Est-ce que tu es réglée? Comment? Es-tu réglée? Es-tu des menstruations? Non. D'accord. Donc, tu es en pleine puberté qui n'a peut-être pas encore commencé. Quelle taille fais-tu? Je fais 1m47, je crois. D'accord. Donc, visiblement, est-ce que ta poitrine commence à pousser un peu? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une petite intumescence? C'est un début ou pas? Oui. D'accord. Donc, tu commences ta puberté. Tu as une pilosité qui doit commencer à apparaître, n'est-ce pas? Ah, pas sur les seins. Oui. Non, sur le pubis. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, voilà, Lexis, ce qui se passe, mais je répéterai toujours ce que je disais. Tu es en début de puberté, Lexie, donc voilà, sauf chose, c'est qu'il y a des filles de ton âge qui sont très pubères, avec une poitrine énorme parfois, parce que leur puberté est déjà terminée, elle a commencé à 11 ans. Toutefois, toi dans ton cas, apparemment, c'était confirmé par une visite médicale, mais je suis quasi sûr, ta puberté n'a pas encore commencé, ou commence toujours, ce qui est plutôt rassurant à 14 ans, ça peut arriver. Donc tu ne t'inquiètes pas, Lexie, tu vas probablement gagner 20, 22 cm, 23. Donc tout est devant toi. Et trois tailles debout, ça se trouve. La poitrine va pousser. Comment, dans ta famille, ta mère, elle a dû combien la poitrine? Je sais pas trop, en fait, je regarde pas trop sa poitrine. Non, mais enfin, elle a une poitrine qui se voit pas. Alice, tu te souviens, toi, de ta poussée ma mère? Franchement, non. Non, mais je me rappelle que j'étais pressée d'en avoir parce que j'avais une copine à moi qui avait des boobs mais énormes et je me dis ouais, j'aimerais trop avoir des gros seins. Puis ça a poussé d'un coup et après on voyait plus que ça. Donc les gens ne voyaient plus mon visage, voyaient que mes seins. Ah oui. Et tu t'es rendu compte qu'en fait c'était un peu mieux avant. Ça y est. C'est là que les filles souffrent parce qu'effectivement, ce sont des petites filles et d'un seul coup elles deviennent des femmes et là le regard des mecs, c'est quand même puis vachement. C'est des vrais gamins par les rapport à yeux ça. Dans les seins. Mais c'est ça, c'est des gamins quoi. Ouais. Bon, Lexi, il faut juste faire une visite médicale pour confirmer ce que j'ai dit, bien sûr. Un petit doute, on fait ce qu'on appelle une radiographie de la main et du poignet gauche pour déterminer l'âge osseux qui va probablement montrer que tu es en retard, ce qui est une bonne chose parce que ta poussée de croissance va poursuivre et la puberté va aider. Et cette puberté, elle va durer 2 à 3 ans, d'accord? Des bonnes nouvelles? Voilà. Tu vois, Lexi? Ouais. D'accord. Laisse la nature faire son travail. Ton corps va changer. Tu vas te retrouver avec des seins énormes, Tu verras. En tout cas, avec des seins. Ouais, et puis dédicace aussi à toutes les filles qui, en ce moment, sont en train de te jalouser parce qu'il y en a plein de filles qui ont des seins énormes et que ça gêne aussi, quoi. Oui, mais enfin là, ce qui on n'est jamais content. Oui, on n'est jamais content de ses seins. On n'est jamais trop content de son physique à cet âge-là. Il y a toujours des défauts que l'on relève comme ça. C'est tout, c'est normal, mais ça passe avec le temps. On s'approprie son corps dans le plein sens du terme, psychologiquement, et on finit par l'accepter. On te fait des gros bisous, Lexi. Je peux passer une petite dédicace? Ouais. Vas-y, à tous les potes qui écoutent là. Ok, alors je passe une dédicace à Mélissa, à Lia Skibiak, ma meilleure amie, et à Bastien Mickel, un de mes potes. Eh ben, gros bisous, Lexi. Salut à toi. Merci beaucoup. On a Paul Lou qui est avec nous. Bonsoir, Paul Lou. Salut, Paul Lou. Salut, Doc. Salut, Karel. Salut, toute l'équipe. Et donc, Paul Lou, t'as la voix d'un 12 ans, toi? Ouais. T'es un 12 ans? Ouais, j'ai 12 ans. Eh ben, bienvenue dans la Vin Fun. Paul Lou, tu nous appelles pourquoi?